Eh ben, c'est BN. Il y a un BN ? Oui. Ah ouais, ben attends, là tu te trompes, mon pote. Gégé ? Oui. Gérard, ah, c'est Gérard. Non, mais c'est Sophia qui parle. Pourquoi je me parle, Gérard, laissez parler Sophia, laissez parler Sophia. Voilà. Gégé ? Oui. Alors moi je t'imagine grand, brun. Waouh. Poilu. Gérard, bon, enfin pas une BN. T'imagines poilu ? À forte poitrine. Non, mais attends, déjà. Déjà, Sophia, je te coupe. Déjà, les gugus, ils vont se calmer. Moi, je pense qu'il est hétérosexuel. Bon. Alors, hétéro, je t'ai déjà dit non. D'ailleurs, il y a Totov qui dit que GG fume des clopes d'hétéro. Eh bien, Gérard, tu confirmes que tu n'es pas hétérosexuel. Voilà. Donc, t'es content ? Attends, non, Gérard, je crois qu'il faut que tu nous rappelles si t'es hétérosexuel, homosexuel, transsexuel, machin. Rien du tout. Mais tu es quoi, alors ? Je ne suis rien du tout. Ah, mais il y a un truc, hein. Je suis simplement un mec comme tout le monde. Point final à la ligne. Non, pas tout le monde. C'était rien du tout. Alors, vous vous taisez. Et t'es pas hétéro ? Non. Mais Gérard, t'es pas homo. T'es pas hétéro et t'es pas homo. Allez, explique-nous ce qu'est un hétérosexuel. Oui. Non, mais attends, pour l'instant, j'ai pas encore préparé le débat là-dessus. Je sais même pas ce que ça explique. Attends, déjà, attends. Déjà, celui qui s'amuse à me dire connard, déjà, tu vas retourner chez toi, ok ? C'est Caramel. Caramel, tu retournes chez toi, bonne nuit. Gérard, c'est bonne nuit. Bonne nuit, Caramel. Gérard, ça t'apprendra à être poli. Il faut que tu saches que t'es au moins sexuel. Pour l'instant, vous la fermez. Bon. Bon. 88, dehors, t'as pas réussi à rester calme plus de 5 minutes. Gérard, moi je peux te décrire, je te connais, tu es souvent à genoux ou de dos. Et toi, tu l'as vu dans les chats de la loco. Attends, t'es petit sur les fesses. Nous savons que tu as des boutons sur les fesses. Non. Mais le dis. Non, mais attends, le lascar. Pourquoi l'Adidas ? Non. Déjà une. Tu as celui qui vient de parler là, qui vient de gueuler comme un taureau. Comme un veau. Ouais, comme un veau. Comme un chat. Non, mais il va donner son nom. C'est bizarre. Il va donner son numéro de tatou à l'antenne. Non, mais c'est bizarre. C'est bizarre, il est plus là. Non, celui du. Si, il est là. Et d'ailleurs, à la place de Malabar, on accueille Choco. Allô, salut, c'est Choco. Salut, Choco. Et c'est Choco Ben ou Choco tout court ? Non, c'est Choco, moi. Ouais, non, c'est moi, Choco. Donc rebonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Donc si vous voulez nous appeler, donc 0803 08 5000 et 0870 5000, donc pour les Belges 0331 79 5000 et donc 3615 Fun Radio, rubrique direct. Donc on va continuer sur les débats. Donc alors, pensez-vous que Gérard devrait dire oui à une fille facilement? Donc ouais, alors, ouais, on le pense. Non, mais là vous vous calmez s'il vous plaît. Oui, Gérard. Voilà, ça sera un peu plus cool. Moi je pense que tu devrais emballer Sévère. Bon alors c'est qui ton nom, toi ? C'est François. Bon alors François, d'après toi je devrais dire oui facilement. Tout de suite, tu devrais dire oui tout de suite. Ouais, mais pourquoi ? Pourquoi je... Non, mais attends. Gens, mais parce que t'es un tombeur, Gégé. Non, mais attendez. Mais tu fais 1m90, t'es blond, ouais. Aux yeux bleus, ouais. Les cheveux longs jusqu'au milieu du dos, ouais. T'as des bonnes petites fesses moulées, ouais. Paraît-il une grosse bite, ouais. On m'a dit ça à la loco. Ouais, ben, dans ce cas-là, tu te trompes déjà, parce que t'as déjà tout faux sur... Ah bon, on m'a menti. Déjà, je suis châtain, je suis 1m70, ok. Ah, t'es un vilain ? Mais attends, je suis un vilain, attends. T'es un camionneur ? Mais de toute manière, celui. Bon alors, vas-y. Ah, c'est ça, t'as un peu le jacouille dans les visiteurs. Gérard, c'est Julien de Paris. T'as les boutons. Non, vas-y, Julien, je t'écoute. Ouais, Julien, je t'écoute. Savoir. La question que tu poses là, c'est bon de savoir si tu dirais facilement oui à une fille, d'accord, ouais. Mais pourquoi dans ce cas, il y a deux filles à côté de toi dans le studio ? Non, j'ai trois filles à côté de moi, d'accord ? Trois filles, ah, bah, wow, t'assures, Gérard. Bah, mais pour l'instant, je dis pas oui facilement, d'accord ? Eh ben, tu diras pas oui de la soirée, c'est tout. Non, mais attendez. Gérard. Attendez, là, vous allez vous calmer. T'es une petite frappe. Non, mais attendez, là, vous allez vous calmer. Je dis pas oui. Attendez. Je réponds à Julien. Non, attends, Julien. Mélodie, je veux te parler en antenne. Qui ? On s'en fout, Mélodie. Qui ? Mélodie, tu veux m'avoir en antenne ? On s'en fout, il y a l'antenne. Ok, pas de problème. Je parle en antenne, si tu veux. Non, mais c'est bon. Alors moi, je vais répondre. Eh, oh, on se calme. Eh, vous allez vous calmer, sinon ça va casser. Ouais. Bon, déjà, vous vous calmez. Déjà, pour commencer, avant de continuer la question, ouais. Je viens d'avoir une enveloppe du ministère des téléphones de Paris. Ouais. Donc, c'est marqué Fun Radio Neuilly, Star System numéro 2, avec un téléphone portable, si Agnès, tu peux me le passer. Super, c'est qui Star System numéro 2 ? donc j'ai eu un téléphone, donc je sais pas où que je vais le mettre. Donc j'ai pas de branchement, donc je vais bien voir comment faire. Hein. La personne qui me l'a donné, d'accord, qui l'a déposé à la radio, me dira comment ça fonctionne. Eh ben c'est le ministère des cabines. Ah ouais, mais c'est qu'à là qu'on me dise comment le brancher. Bon, enfin bref, ouais, non mais c'est bon. Donc bon ben on va continuer. Olivia, à te faire une grosse pipe. Bon alors Olivia. Et pourquoi tu dirais pas oui facilement? Parce que je suis pas. Un mec je suis facile. Voilà. Et on d'accord. Et on accueille Pipo. Elles sont bien. On accueille à côté de toi. Pipo. Pipo. Bonjour Pipo. Ça va Gérard? Donc bon allô, alors. Non, vous répondez à la question et parce qu'on va marrer. On y a répondu à la question. Bon, c'est bon. Et Gérard, répondu, c'est bon, on a compris. Bon. On passe à la sixième question, Gérard. Alors, pensez-vous qu'il faudrait accorder plus longtemps l'antenne à Gérard? Ouais, tu l'as déjà dit? Oui. Oui, bah. Gérard, tes questions, elles sont récurrentes. Hein. Mais ouais, t'as posé. Est-ce qu'elle mouille les meufs dans le studio? Gégé, oui. Tout à l'heure, t'avais posé des questions à Max. Il avait écrit des questions et dans une question, il y avait pensez-vous que Gégé soit nerveux ou calme ou je sais pas quoi? Alors, attends. Moi, je pense que Gérard, il est éjaculateur précoce parce que c'est un grand nerveux. Attends. Stop. Pensez-vous que Gérard devrait être plus calme, c'est ça la question que tu veux dire? Ouais, moi je crois, ouais. Julien Paris. Oui, mais alors vas-y. Réponds, celle-là. Attendez. Chacun votre tour. C'est qui là qui parle? C'est Sophia. Non, attends. Sophia, taisez-vous les autres. Attendez, non. Non, vous vous calmez. Qui c'est qui vient, qui a dit, j'avais posé la question à l'antenne? C'est Sophia. Bon, alors Sophia, vas-y, je t'écoute. Non, Polly, tu la fermes, s'il te plaît. Merci. Pensez-vous que Gérard devrait être plus calme? Oui. Bon, alors pourquoi oui? Parce que quand tu cries, ça fait mal aux oreilles. Parle bien devant ton candidat, voilà, s'il te plaît. Tu collais sur ma bouche. Parce que tu nous casses les oreilles, Gérard. Oui, mais dans ce cas-là, attendez. Si je vous casse. Non, attendez. Je ne casse pas les oreilles, Gégé. Attendez. Moi, je vais répondre. Si je vous casse les oreilles. C'est que dans ce cas-là, vous me laissez poser mes questions et que chacun réponde à son tour. Alors, celui qui s'amuse à péter, tu l'affirmes, d'accord? C'est un porc. Hein? Moi, je rentre. C'est rare que je rentre à l'antenne. Gérard, plus la chatte. Gérard, t'es crado, là. Je veux répondre à ta question. Oui, Mélodie. C'est bon, derrière. C'est Mélodie qui parle. Mélodie, je t'écoute. Toi, tu l'affirmes. J'ai compris, ne sois pas vulgaire. Alors Mélodie, je t'écoute. Ouais, alors moi je dis qu'il faut que tu cries moins. Mm-hmm. Parce que déjà, pour que les gens t'entendent et t'écoutent, mm-hmm. Si tu taisais 3 secondes, ils se gueuleraient 2 secondes entre eux et puis après ça irait mieux et comme ça tu pourrais parler. Non, mais dans ces cas. Il paraît que t'es flash, Olivia. Il paraît que t'es flash, t'es plus rapide que t'es clair. Non, Gérard, en fait, il faut que tu cries parce que t'es naturel lorsque tu cries. Mais ça fait mal aux oreilles. Il faut que les gens soient naturels dans ce cas-là, ma cocotte. Ouais, puis c'est tout ce qu'il sait faire, crier, de toute façon. T'écoutes pas. Non, mais attends, si t'es pas content, mon pote. Ouais. Hey, celui qui vient de dire que je perds que de crier, si t'es pas content, ouais. tu changes de fréquence, ok? Ouais, éjaculateur précoce. Alors, dans ces cas-là, si t'es pas content, tu vas voir Michael Decan sur quelle fréquence il est, d'accord? Ouais, d'accord, Gérard. Ouais, après, Gérard, à cause de toi, il y aura plus d'auditeurs. Ouais, mais attends. Gérard. Ouais. Laisse-moi te dire un petit truc, tu vois. Vas-y. Si tu te calmais un peu plus, tu vois, ça serait peut-être probablement moins le bordel sur l'antenne. Ouais. Parce que tous les gens qui appellent, ils ont l'impression. Attends. Attendez. Stop. Ouais. Attends, moi je vais. Bonsoir, Gérard. Vous savez vous calmer. Normalement, ce soir, j'avais prévu de pas crier, mais non, vu. C'est raté. Vu. T'as plus de voix. Vu. Vu qu'à chaque fois que je pouvais pas passer une phrase, donc je n'ai pas pu faire mon débat. Normalement, ce débat-là, j'avais prévu de le faire dans le calme. Ouais. Tu parles tout le temps, Gérard. Non, mais dans ce cas-là, je parle tout le temps. Mais quand je pose des questions, je voudrais bien que les gens répondent à chacun leur tour. Donc normalement, c'était prévu que c'est les vacances. Ouais. Hein, et tout le monde passe leur bac. Et attends, donc, c'est pas encore les vacances, Gérard. Oui, non, mais. De toute manière, je pense que la semaine prochaine, j'ai pas prévu le terme du débat. Donc j'avais prévu de pas crier. Ouais. Mais vu que tout le monde n'a pas été gentil. gentil. Donc j'étais pas forcé de pousser ma gueule. C'est ça, répète. Eh ben, c'est ce que tu fais, Gérard. C'est ce que tu fais. Tu poses la question et t'interroges les gens chacun à leur tour. Eh ben ouais. Alors voilà. Exactement. Donc, exactement. Alors pensez-vous. Donc, je réponds en premier. Voilà, non mais attends. Vas-y. Vas-y. Alors tu donnes ton nom. Ouais, ben j'ai levé la main. Non mais tu donnes ton nom. Ouais. Tipo, alors vas-y. Ouais, mais c'est du Pipo qui. Bon alors Tipo, bon bonne nuit. Voilà. Bonsoir Gérard. Oui, ben bonsoir. Alors tu réponds à la question ou pas? Ah non, il s'en allait là. Tu peux remettre, tu peux répéter la question, Gérard? Non, non, mais là pour non. Oui, la question c'était est-ce que Gérard doit continuer à la radio? Voilà. Non, c'est pas ça. Non, ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est parce que Gérard il veut savoir s'il veut, il doit parler plus longtemps à l'antenne. Serait-il capable de faire le morning? Arrêtez de le faire exprès là. Non, Gérard il va faire la fun force. Ah oui. Alors là, vous allez vous calmer. Maintenant, ça va être la dernière question. Ouais. Non, attends, Gérard, on n'a pas fini de répondre à celle-là. Attends, non, dans ce cas-là. Si tu faisais la fun force, t'aurais plein de petites filles de 16 ans. Ouais. Oui, non, non, non, non, alors, dans ce cas-là. Attendez, attendez, attendez. Attendez, stop. Et puis ça non, non, non, non, oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, on se calme. Je repose la question. Ouais. Pensez-vous que Gérard. Pensez-vous. Pensez-vous qu'il faudrait accorder plus longtemps l'antenne à Gérard? Ah oui, chacun votre tour. Non, non, non, non. Attends, attends. C'est pas ça la question. Non, non, mais pour l'instant, moi je pose cette question-là. Ouais, bah t'as on du mal. On a répondu tout à l'heure. Non, non, personne n'a répondu. Si, on a répondu tout à l'heure. Non, on n'a pas répondu. Lisa. Oui. Gérard, moi je pense qu'en fait une fois par semaine c'est pas suffisant. Bon, alors, pourquoi? Ouais, ah, c'est bon, pour l'instant, tu laisses parler Olivia, s'il te plaît. Ouais, mais bon, on va parler, là. Mais laissez parler les gens, s'il vous plaît, merde. Mais tais-toi, laisse-en parler. Non, mais laissez finir. Ah, vous êtes trop loups, les mecs. Non, c'est Olivia qui parle. Non, c'est voilà, allez, oh. Bon, allez, vous discutez pas. Non, mais connard, pour l'instant, c'est pas vous qui commandez. Ok? D'accord. Voilà, alors, Olivia. Ouais. En quoi? Comme je te disais, une fois par semaine, c'est pas suffisant. Non, une fois par mois, ça serait mieux. Tais-toi ! Voilà ! Une fois par année, ce serait mieux. Oh là là ! Et en plus, pas jamais, en fait. Et en plus, à 1h30 bon. Du matin. Ouais. Ouais. Non, pourquoi ? Non, bon, allez, c'est bon. Encore moins suffisant. Ouais, ok. D'accord, allez, je m'énerve. Ouais. Allez, tu dégages. Allez, allez, allez, dégage. On tourne voilà. C'est pour ouais, t'es content ? Les meufs, alors. Et puis moi, mon tampon. Bah, dans ce cas-là, tu réponds à la question et c'est tout. D'accord. Tu veux parler, tu réponds. Ok. Tu t'appelles comment? C'est François. Ouais, bah alors vas-y, François, dépêche-toi. Ok, t'as réussi à faire mouiller les deux meufs qui sont dans le studio? Non, mais attends, c'est pas la question, d'accord? Non, mais il a réussi non, bah, à faire mouiller. Non, mais attends, attends. Hey, attendez, oh, c'est pas la. Non, mais moi, je te réponds à ta question, moi, je te répondrai pas. Bah pourquoi? Parce que ça te regarde pas. Ok. Parce qu'il n'en est pas capable. Ça, c'est mon problème, je dirai ça après. Bah, réponds alors. Après, voilà. Après, ouais, c'est ça. Fais-nous-le en live. Non, ça ne vous regarde pas. Live. Ça ne vous regarde en pas. Live. Bon, tu vas faire. Il a compris, il va se les brancher après. Il voilà. Veut savoir si tu vas te faire sucer ce soir, Gérard. Ça, qui pose ça? C'est Pipo. Ah, Pipo. Pipo, il veut savoir si GG ce soir va te faire sucer. Ouais, avec un peu dans le cul. Alors, celui non, qui a répondu. Le Gérard, on le trouve pas, il y a trop de poils. Voilà. Oh, non, c'est pas ça, il y a déjà quelqu'un. Bon, allez, c'est bon. On va passer à. Un disque, allez, c'est ça. Ah, non. Non, bah. Un disque. Bah, non. Non, tu dégages, tu repasses au standard. Bon, Gérard, c'est Mélodie. Oui, Mélodie. Alors, quand moi le standard, je vais dormir parce qu'ils hurlent trop, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça, va te coucher. Non, mais Mélodie. Allez, salut, ciao. Ouais, salut. Salut, Mélodie, casse-toi. Non, non, mais. Casse-toi. Oh, et, oh, s'il vous plaît, ouais, là-bas. Vous êtes relous, les mecs, là. Ouais, c'est ça, on est relous. Allô, Gérard, qu'est-ce que tu disais? Non, encore elle. Bon, tu la fermes derrière, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, encore, Mélodie. Mélodie. Ouais. Bon, tu veux rentrer? Bon, tu veux rentrer, Mélodie? Oui, sauf si tu as une dernière question à me poser. Bon, ouais, c'est bon. Ça va. Gérard, moi j'aimerais bien répondre à ta question. Vas-y. Ta gueule. Non, ta gueule, toi, oh, c'est bon. Non, mais déjà, pour l'instant, vous allez. Moi, tu vois, moi je réclame la vie de Caramel. Va se taire, oh, ta gueule. Moi, je trouve franchement, j'ai t'avoué que je trouve que t'es pas fait pour la libre antenne. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Ta gueule, pour plusieurs raisons, parce que la première, c'est gros problème de ta locution, tu vois, c'est chiant, tu vois, c'est bon, ça va bien une nuit, tu vois, une nuit par semaine, ça va, mais c'est ce genre de truc, tu vois, tu pourras pas réussir à mettre vraiment le feu à une antenne, parce que tu vois, là, les gars qui t'écoutent, les gens qui t'appellent, en fait, ils t'apprécient pour ça. Mais bon, ça va bien deux minutes, mais t'auras pas un succès phénoménal. Non, mais attends, moi, dans ce cas-là... Une nuit, ça va, trois nuits, ça va. Non, non, attends, attends, et c'est qui là qui vient de poser, qui vient de me... C'est Julien. Bon, ah, Julien. Ta gueule, ouais. Bon, Julien, moi je vais te répondre. Ouais, dans ces cas-là... Bon, derrière, celui qui dit que Julien, c'est un abruti, qui la ferme. Bon, vous voulez la fermer, moi je vais répondre. Maintenant. Et Julien. Vous voulez la fermer, s'il vous plaît. C'est trop loulou, là. Vous commencez par vous calmer. Je vais répondre à Julien. Alors, Julien, je te réponds clair et net. Ouais. Si... Comme tu viens de dire. C'est très clair. C'est... Tu crois que je suis pas fait pour faire des libres antennes, c'est ça? Je pense que t'es fait pour être un bon auditeur de Max, mais il vaut mieux que t'en restes là, quoi. Bon, alors dans ces cas-là, vous faites une chose. Mm-hmm. Si vous voulez que je reste bon auditeur avec Max, dans ces cas-là, vous arrêtez au standard ou sur Minitel, sans arrêt de demander comment va Gérard, est-ce qu'on peut avoir Gérard. Alors là, dans ces cas-là, ok, on va se calmer. Ah, moi je vais être calme. Non mais moi je serai calme quand tout le monde va déjà commencer par la fermer, d'arrêter de me demander sans arrêt. Gérard. Et d'arrêter de demander mes remix. Gérard. Non, mais attends, Gérard. Attendez, je finis. Ouais. Parce que à force de demander mes remix, moi je commence à en avoir ras-le-bol. Et on s'est dublé avec tes relâches, je suis d'accord avec toi. Non, je sais pas si les autres sont d'accord, mais moi je suis d'accord avec toi. Non, mais ceux qui se font dubler derrière mon dos, ouais. Ça. Monière, vous allez très bien savoir ce qui va vous arriver. Ouais, qu'est-ce qui va leur arriver? Procès. C'est que je vais arrêter. Ouais. Non, mais si Gérard, c'est bon, reste, c'est bien à l'antenne quand t'as même. T'as un ultimatum à poser là. Facile quoi, mais bon voilà quoi. Disons que. Non mais là, là pour ce soir, tu peux passer dans Tout est acheté. Gérard, c'est payé. Gérard, quand est-ce que tu présentes Tout est possible? Tout est acheté. C'est pas Gérard. Oui. Qui c'est qui a posé une question bête et méchante qui m'a demandé si j'étais payé? Ah, ça c'est une nana. Non, attendez. J'ai entendu une nana qui m'a demandé est-ce que j'étais payé. Non, c'est pas une nana. Si tu participais, si tout est payé. Il est 3h25 du matin, on va faire la conclusion. Mais t'as encore des questions à poser. Ah si, t'avais des questions à poser encore, Gérard. Quand tu les as annoncées à Max, il y en a que t'as pas dit, moi, il y en a que j'ai pas entendu, hein. Ouais, nous non plus. Ouais. Alors pensez-vous que je devrais être plus calme? Ah ouais. Non mais chacun votre tour, s'il vous plaît, là. D'accord. Julien. Julien, vas-y. Ouais, franchement, moi je pense que tu devrais être plus calme. Allez, c'est bien, Julien, salut. Non mais attends, pour l'instant, c'est pas toi qui commande. Vas-y, Julien. Non mais attends, toi derrière, tu la fermes. C'est Julien qui répond, ok? Bah ça y est, il a répondu. Non, il a pas répondu. Tu te calmes derrière, s'il te plaît. Bonne nuit, Julien. Bon, alors si vous voulez que je reste calme, vous laissez parler les gens, ok? Reprends qui à part Julien? François veut parler. Parce qu'apparemment, tu fréquentes un peu avec Julien. Attends, c'est Julien qui a parlé le premier. Donc, tu la fermes derrière, s'il te plaît. Dis donc, Gégé, c'est pas avec Julien que tu fais l'amour dans les toilettes de la loco? Ah, ça se pourrait. Vous commencez à me prendre la tête, hein. Mais non, au contraire, je suis pas d'accord. Bon, alors, Julien. Ouais. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Ouais, c'est simple. Vous la fermez derrière. Ouais, c'est clair, c'est ok. Bon, tout à l'heure, je voulais y répondre, on va pas laisser parler. Julien, tu réponds parce que ça commence à être trop lourd à chaque fois que je donne les noms. Donc, tu réponds, et vite. Je réponds. Ouais, je trouve que tu devrais être plus calme parce que comme ça éviterait que tout le monde soit excité complètement à l'antenne et tu réussiras à avoir un débat à peu près clair. Voilà, ok. T'as arrêté de parler en même temps alors? Moi, je pense pas. Alors, attendez. Ouais. Bon alors qui c'est qui veut répondre Pipo derrière répondre. Ouais. Alors Pipo veut répondre. Ta gueule. Non, attends, déjà. Moi je veux dire que s'il avait été plus calme, il n'aurait pas été éjaculateur précoce et Christine l'aurait pas quitté. Bon alors toi Pipo, tu dégages, bonne nuit. Mélodie, elle est encore là? Non. Mélodie. Mélodie est partie se coucher. Mmh. Voilà. Ah d'accord. Bon, il y a François qui veut répondre. Olivia. Si t'avais été plus calme, Christine, elle t'aurait pas fait un enfant dans le dos. Alors. François, tu dégages, bonne nuit. Voilà, comme ça va aller vite la conclusion. Gérard, Olivier. C'est malade faire un débat quand tu vires tout le monde. Ouais, mais attends, je fais ce que je veux, d'accord? C'est pas toi qui commandes. Tu fais ce que tu veux. T'es libre, c'est ça. Non, mais attends, si t'es pas content, mon pote, t'appelles pas. Ouais, c'est ça, fais ce que tu veux, vas-y. T'arrêtes de gueuler, toi? Bon, écoute, Gérard, à partir du moment où tu baisses le ton de ta voix, forcément. Ouais, t'arrêtes. partir du moment où tu baisses le fond de ta voix. D'accord, c'est ça. Ok. Oh, tu fermes ta gueule. J'essaye de la fermer, mais je peux pas. Non. Alors tu la fermes. Je peux pas. Oui, tu alors tu dégages. Ouais, tu tiens. Au revoir. Gérard, au revoir. Enfin. Gérard, dès que tu peux te prendre ta voix. Olivia. Gérard. Oui. Tu m'écoutes même pas. D'accord. Si, je t'écoute. Ouais, on t'écoute aussi, nous. Moi, ta gueule, toi, tu la fermes pour un ta sang. Ta gueule. Il faut que tu t'imposes, Gérard. Ta gueule. C'est inaudible. Et après, lorsque c'est inaudible, on entend rien. Et lorsqu'on entend rien, on est déçu de rien entendre. Tu comprends, Gérard? Ouais. Donc, t'es obligé de t'imposer et de gueuler. Comme ça, au moins, tu imposes, tu restaures le calme. Ouais, c'est ma loi. Voilà, faut que t'aies ton style perso. Ouais, t'es un cow-boy. Le chef, hein. Oh, le cow-boy de sirène. Sinon, moi je t'emmerde. Voilà. Ben, là c'est clair. Toi oh, ben, on va bien s'amuser tous les deux. Non, ben, on va pas s'y amuser, mais moi je vais pas m'amuser avec toi parce que tu vas te démerder. Parce que là on va arrêter, il est 3h27 et c'est terminé. Et non, alors, non, c'est pas terminé, tu continues. Non, il manque des questions. Là, tu dis ça, tu ben, démoins, t'as tu pas posé arrêter. Toutes les questions, non, donc ben, tu là, continues. Il manque des questions là. Gérard, jusqu'à 4h, Yannick il est pas là. Non, non, mais attends, si Yannick il est là en plus. Gégé, me semble-t-il, il y avait d'autres questions. Je suis sûre. Je suis sûr, il y avait l'Adidas, il y avait Françoise, il y avait des trucs sur toi. L'Adidas, on l'a posé. Il y avait une question sur le tatou. Il y avait une question sur le tatou. Ah ouais. Mais ça, le tatou. T'as dit que tu la poserais, les gens attendent Yannick, pour ça. Yannick, c'est pas vrai. Ah bah attends, Yannick. Vas-y, le mec, il t'attaque. Vas-y, non, réponds. Non, tu vois, Yannick, il est pas comme toi. Non, il Yannick, répond pas. Il est pas là. Ouais, bah, il veut pas répondre. Et en plus, Yannick, il est beau. Non, il est pédé avec Gérard. Il est beau, Yannick. Oh, le pauvre. Il bon, et vous vous calmez. Gérard, il est bien des doigts. Yannick, je te nique. Ouais, d'accord. Oh, ça, c'est bien. Moi, j'ai piscine. Pensez-vous que Gérard devrait être plus... Ta gueule. Dans les chiottes de la loco. Yannick, ça te dirait ce soir hein. Ouais, ben, Yannick, s'il veut, il pas de problème. Il peut pas parler, il a la bouche pleine. Gérard, bon, t'es maintenant, hein, disons, gamin. Alors, hey, hein. Eh, hey, vas-y. Non, hey. Non, continue, c'est non, bien. Non, mais... Non, j'aime bien ce que tu fais, en plus. Non, hein, mais il t'attaque, alors vas-y, réponds un peu aussi. Non, Gérard, il est pas comme toi, il répond pas. J'aimerais que tu viennes retrouver une question, que tu la poses. Ouais. Attends, je suis en train de chercher. T'as pas tout. Ah, pensez-vous que j'aimerais être un peu plus aimable? Non. Ah, oui. Ah, non. Pourquoi non? Attends, qui a dit non? Alors, vas-y. Non, là, maintenant, vas-y. Vas-y. Non, parce que... Ah, attends, Laurent. Oui. Je crois que t'étais déjà parti, toi. T'es revenu comme ça? Non, je viens d'arriver, je suis désolé. Excuse-moi, ah ouais, on récupère un Laurent comme ça au hasard. Gérard. Ah, j'ai plus le temps de te dire, vas-y. Il y a Phil. N'écoute pas, Gérard. Attendez, il y a une question Minitel. Il y a Phil qui demande si t'as toujours des boutons sur le cul. Non, ça le regarde pas. Ouais, et puis la question Minitel, on l'encule. Et s'il les a vus, les boutons dans le cul, tu te souviens pas de Phil? Voilà, tu l'as rencontré la semaine dernière. T'as pas, Gérard. Ah bah, faut bien rentrer dans la vie. T'as bu quoi, de la bière ou quoi? Non, j'ai bu du café. Et là, ta question, c'était aimable, tu pourrais rajouter poli à la rigueur, ou je sais pas, parce que là, honnêtement... Gérard, essuie-toi, t'en as sur le coin de la bouche. Bon, attends, Ça dégouline. Bon, bah, c'est bon, ouais. Bon, comment tu vas emballer tes meufs après ça? Ouais. Oh non, mais attends, c'est pas ton problème à toi. Hein. Gérard, une question, est-ce que tu te rases? Oui, je me rase. Est-ce que t'as des poils? Ah ouais, tu te rases le triangle. Non, réponse con, va. Est-ce que t'as des poils? C'est la moumoute. Ça te regarde pas. Hey, pareil que t'es. Hey, Gérard. Ouais, allez. Hey, allez-y. Une moumoute. Allez-y. Hey, pareil que t'es une moumoute. Tu poses pas de questions, café. Alors on en pose. Café. Pas de problème, café. Sans problème. Ouais, c'est ça. Ah, c'est avec café, alors allez-y. Non, allez-y. Gégé, tu me payes un café au studio? Bon, qu'est-ce que vous faites, les gars, ce soir, ça vous dit? Gérard, devine avec qui je suis. Non, mais vas-y. Eh ben, je suis avec Cricri. Ouais, ben, c'est bien. Dans ce cas-là, allez-y. Posez-moi. Je veux un café. Oui. Ouais. Je veux un café. Tu vas te le faire. Tu vas te le faire tout seul. Tu vas te le faire toute seule, ma chérie. C'est même pas. Oh là là, Gérard. Et Gérard, tu continues ton débat. Gérard, c'est Laurent. Ouais. Est-ce que tu te torches de la main droite ou gauche? Ça, je te répondrai pas. Vas-y. Ça te regarde pas. La droite ou la gauche? Ça te regarde pas. Tu te torches de quelle main? Ça te regarde pas. Réponds, la droite ou la gauche? Ça te regarde. Gégé. Oui. Pose une question. Ouais, pose la question. Voilà. Il fait bouger un peu. Ah. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de tourner en rond là. Alors, pensez-vous que je devrais donner mon numéro de tatou? On le connaît, ton numéro de tatou. Non, pas ça, une autre question. Bah quoi, qu'est-ce que vous voulez comme question? Est-ce que Gérard se torche de la main droite ou gauche? Vas-y, pose-nous des questions sur ta vie, sur le cul, je sais pas, n'importe quoi. Là. Non, mais ça ma vie, je vous dirai rien d'autre Gérard, sur ma vie. Est-ce que nous, on peut poser des questions? Vas-y. Ouais, c'est qui? C'est qui veut me poser une question? Non, mais, Gérard, si t'acceptes, t'acceptes qu'il te pose des questions, tu y réponds. Ouais, ben, je vais répondre à la nana. Il y en a une qui vient de me demander une question. Je vais y répondre. Tu y réponds, tu dis pas, je te réponds pas. Non, mais je vais y répondre. Mais derrière, ils vont la fermer. D'accord. La droite ou la gauche? Arrête, hein. Bon, tu te tais déjà pour ça. Moi, j'ai posé une question, je veux que tu me répondes. Mais tu fais chier, merde. Gérard, on va te poser une question, mais tu réponds sincèrement. Non, c'est qui? C'est Olivia. Alors, vas-y, Olivia, je t'écoute. Bon, vos gueules derrière. Alors, vous laissez parler Olivia. J'ai rien dit. Alors, moi, je voudrais savoir. Gérard, j'ai rien dit. Ta gueule! Mais je dis rien, putain. Tu laisses parler Olivia. Mais j'ai rien dit. Alors, tu la fermes. Mais je dis rien. Alors, tais-toi. Hé, tu commences à me faire chier, là, sérieusement, quoi. J'ai entendu. J'étais pratiquement pas là. Bon, ça va, tu te tais, là. Hé, Gérard, est-ce que Françoise. À un moment donné ou un autre, t'as excité? Non. Jamais? Non. Et Christine? Toi. Alors, je vais dire une chose qu'avec Christine... Ah ben, ça devait pas être facile tous les jours. Est-ce qu'elle est hétérosexuelle, Christine? Ça devait pas être du gâteau, hein. Alors, je vous préviens d'une chose. C'était plutôt un poids qu'autre chose, hein. Est-ce qu'elle est hétérosexuelle, Christine? Tu lui poseras la question toi-même. Bon, quand on aura l'occasion de la voir. Tu y as mis un petit doigt? Non. Deux? Non plus. Bon alors après, qui c'est qui a une question Moi. Moi. Ouais. Qui moi. C'est Laurent. Ouais, Laurent. Est-ce que tu sors de la main droite ou... Non, mais attends, Laurent, tu commences à être relou avec cette question-là. Tu veux pas y répondre? Non, mais tu commences à être relou. D'accord. Non, mais là, t'es relou. Quel genre de musique t'écoutes? As-tu une copine, Gérard? Non. Est-ce que tu fais du cheval? Ouais, je parlais, mais... Non, attendez. Stop! Est-ce que Gérard est dans le studio? Oui, Gérard est dans les studios, pourquoi? Voilà, je suis Marc, je suis monsieur 1. Marc de la société Tatou France Télécom. Je vous appelle concernant les 75 000 francs d'amende que vous avez eu en février dernier. Ouais. Non mais attendez, monsieur Marc de France Tatou, Pipo, je m'en bats les cacahuètes. D'accord. Mais non, c'est bon. Non, mais attendez, j'attends toujours votre amende, alors maintenant, vous commencez à me les gonfler. Vous commencez à me les gonfler. Ah, Gérard, tu nous as caché quelque chose. Quoi? Il paraît que t'appelles les cochonneries au téléphone. Ah ouais. Qui? Bah, il paraît que tu te mets bien au téléphone. Mais ta marque, là, qui vient de te parler, là. Ouais. Est-ce que je pourrais parler à Gérard, s'il vous plaît? Oui. Ouais, bah vas-y, toi, tu commences à être trop long. Gérard, s'il vous plaît. Oh, vous la fermez derrière! Gérard. Ouais. 25 000 francs d'amende si vous voulez payer. Ah, alors peut-être 75. Oh là là. Tiens, on te filera du... Non, bah allez, c'est bon. Non, mais c'est bon, toi, avec ton truc de tatou, avec tes amendes, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Non, il est pas relou, c'est pas vrai, il est génial. Hein. Qui c'est? Ouais. Il est génial, hein. Attends, qui c'est, cette espèce de voix de trablot, là? Qui c'est, ce trablot, là, derrière? La voix de trablot, merci. C'est rare. C'est Steve. C'est rare. Ouais, vas-y, la nana. Ouais. La nana. Écoute, Ta gueule, toi! Oui, si tu faisais du vélo. Gérard, non, je fais pas de vélo. De la bicyclette. Non, oh putain, mais vous commencez à être relou avec votre vélo et votre bicyclette, merde. Gégé, oui. Pose une question là. Qui? Est-ce que tu t'es tapé le mur quand t'étais gamin? Oh putain, hé. Hé, est-ce que je t'ai demandé si ta mère elle faisait du vélo quand elle était jeune? Ouais. Oui, sûrement. Voilà. Alors la nana là, vas-y, tu veux me poser une question? Moi c'est Sophia, vas-y. Ça pose une question toi. Non, mais attends, tu veux me poser une question? Non, moi je voulais pas te poser une question, moi je voulais que tu poses. Alors, moi je vais poser une question. Une question intéressante. Eh, Sophia? Ouais. C'est Sophia ou Olivia, je sais plus laquelle. Sophia. Ouais. Est-ce que tu dis facilement un oui à un mec, toi? Bah, Gérard, déjà j'ai dit non. Ta gueule, toi! Tout de suite. Gérard, écoute-moi, c'est Tonio là. Ah, Tonio, ouais, c'est ça. Gérard, il la semaine dernière. Tonio? Ouais. Hey, Tonio, tu fermes ta gueule. Et alors, Tonio, il passe avant tout le monde. Vas-y, Tonio, t'écoutes. Ah, merci. Hey, Gérard, avoue que t'as sodomisé Laurent Voulzy la semaine dernière. Ah, Tonio était là. Ah. Alors, Gérard. Il trouve plus ses mots, Gérard. Il sait même plus quoi dire. Il réfléchit. Gérard, pars dans le micro, ce sera mieux. Il est parti. Ouais, voilà. Si on m'avait pas été à mon truc. Gérard, il mesure combien ton sexe, hein? Bah, j'en sais rien, j'ai pas regardé encore. Il avait pas de micro, ce non, bah, allez, bon, c'est bon. Non, mais c'est bon, là, je pense qu'on va arrêter, on va. Non, Gérard. Si, on va. Est-ce que. Excusez-moi, 30 secondes, ça serait bien. Une dernière Gérard. Non, non, pour l'instant, vous laissez. Stop. Dernière question. Est-ce voilà, que tu peux arrêter le débat là, Gérard? Stop. Gérard, yeah, yeah, stop. Est-ce que tu as un autocollant des choses? Est-ce que tu pourrais arrêter le débat? Ta gueule. Est-ce que tu pourrais arrêter le débat? Alors maintenant, maintenant, celui qui demande qu'on arrête le débat, oui, on va l'arrêter. Il y a Julie qui veut poser une question. On va écouter la question. Non. Oui. Ta gueule. Non. Ta gueule. Oh non, on la laissera pas poser sa question. Bon bah là, c'est pas toi qui commande, mon pote. Ah, je suis pas ton pote. Non, non, mais c'est pas toi qui commande, tu laisses poser la question. Et c'est qui alors qui commande? C'est moi pour l'instant. C'est mon débat, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et bah pourquoi je ferme ma gueule? Tu fermes ta gueule. Tu vas fermer ta gueule! Non, mais c'est bon, pour l'instant, vous laissez poser la question. Ta grande gueule! Non, hé! Hey. Bon, maintenant, vous laissez poser Julie sa question. Merci! Tu peux nous remettre dans l'ordre? Tu peux nous faire la phrase dans l'ordre? La question, ça donne quoi, Gégé? Non, mais Julie, tu veux poser ta question? Tu poses ta question. C'est pas une question. Non, mais attends, parce que moi, j'ai plus de voix, je commence à m'avoir ras-le-bol. À chaque fois, c'est pareil. Tous les jeudis, j'en ai marre. T'as plus de voix, même plus une voiture? Ouais, mais écoute, ça te regarde pas. J'ai mon permis, j'ai pas de voiture. Arrête, voilà. Blague, t'es content? C'est Gérard, arrête de te plaindre. Bon, alors, Gérard, Julie, tu poses ta... Bon, là, s'il vous plaît, derrière, vous... Sodomiser, oui ou non, les docs, la semaine dernière? Non, oui. Voilà, t'es content. Plus, là. Alors, tu demanderas au doc si j'ai sodomisé, ok? Non, non, non, mais t'appelleras... On t'a vu. Non, non, mais t'appelleras le doc, là, demain. 0,57, 82, 22. Oh là là. Allez, Julie, parle. Gérard, on t'entend plus, y'a un problème. Bon, Julie, si tu veux poser une question... Ta gueule. Allô, j'entends rien, allô. Là, Julie. Allô, vous avez écouté? Ok, juste 30 secondes, je crois que les gens ont dit plein de choses, on a répondu à plein de choses pendant ce débat, sur toi. Mmh. J'aimerais que tu me fasses une synthèse de ce que t'en as tiré, de ce que tu comptes faire. Bonjour, ma synthèse. Alors, ma synthèse... Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, c'est bon, j'ai entendu, j'ai retiré ce qui criait, tu peux répondre. Bon, la synthèse, donc je vais vous répondre sur toutes les questions qui m'ont été posées. Donc, je réponds sur la dernière question. Non, non, une synthèse, Gérard, c'est sur l'ensemble de ce que t'en as tiré pour toi, pas chaque question individuellement. Moi, personnellement... Bon, mais ça va. Laisse-le parler, oh là là. Bon, attends, non, mais j'essaie de dire, j'explique ce qu'il doit dire quand même. Ah, j'explique les questions, sinon il comprend pas. Bon, d'accord. Sur la première, pourquoi qu'on écoute les débats de Gérard? Donc, bon, ben, ça fait rire tout le monde, ça, d'accord. C'est même pas vrai. Comment ça, ça fait pas rire? Ben non, on est sérieux. Bah, dans ce cas-là, si ça te fait pas rire, on pourquoi est sérieux, moi je suis sérieux, Gérard. Moi, je oui, non, mais dans ce cas-là, pourquoi? Non, non, mais attends, moi je vais te répondre maintenant. Oui, tu me dis, t'es sérieuse. Moi je vais te répondre, pourquoi tu écoutes mes débats? Parce que c'est sérieux. Bon, ok. Non, parce qu'il est con. Mais non, parce que c'est sérieux. Attends, celui qui vient de me dire que j'étais con, moi je t'emmerde, ok? Ok. D'accord? C'est clair. Voilà, c'est clair et net. Alors que pensez-vous de moi? Pour l'instant, il y a certains autres. Il n'y en aura aucune et t'arrêtes avec Christine, s'il te plaît, merci. Bah avec Carole alors. Gérard, non, plus avec Carole, vous arrêtez avec ça. Avec Françoise. Gérard, que devient Carole? Je n'en sais rien. Gérard, sur quelle chair tu vas défiler à l'Europride samedi? Avec Maïté, il va aller. Quoi? Sur quelle chair tu seras pendant l'Europride samedi? Il n'y a rien du tout prévu. Ah, tu samedi, fais pas le, chez moi. Tu fais pas l'Europride? Non, je reste chez moi, je dors. Pourquoi tu la fais pas? C'est faux, ça. Ça te concerne pourtant. Mise à la loco, c'est pour ça. Gérard! Qui c'est qui parle? Karen. Karen, vas-y. T'as une meuf en ce moment? Non. Il a un mec. Vas-y, il a un mec. T'as un mec? Non plus. Arrête de mentir, on sait que t'es une nana. Je vous dis, j'ai pas de nana. Il y a plusieurs mecs, il a. Alors, t'as peut-être un mec et une meuf, hein? Gérard, non, mais attends, Karen. Toi, Karen. Ouais. Je réponds à ta question, tu m'as demandé est-ce que j'avais un mec. Je t'ai répondu non. Est-ce que j'ai une nana? Je t'ai répondu non. Alors, est-ce que je peux parler? Bah pourquoi? Non. Si t'es beau et intelligent, tu vas avoir une meuf. Mais il est pas beau, il est pas intelligent. Alan, est-ce que je peux parler, Gérard? Vas-y. Gérard, vas-y. Gérard, es-tu un androgyne? Gérard, es-tu hétérosexuel? Non. C'est Gérard, quoi? Il est bisexuel. Gérard, es-tu un androgyne? Question de Jack. Est-ce que tu suces Christine? Je répondrai pas à cette question. Est-ce que Christine suce bien? Gérard, es-tu bisexuel? Non. Bah voilà. Es-tu homosexuel? Non. Mais t'as forcément une tendance. Homosexuel, tu es asexué. C'est normal, c'est ça? Oui. Bon, bah, de manière générale. Bah, est-ce que ton numéro de tatou est bien le 06 08 50 90 Mais c'est pas ton numéro de tatou, j'ai dit n'importe quoi. Pétasse qui a dit le numéro de la cabine, ça commence par 0142. Tu veux pas me virer en t'énervant? Par accroche. Vire-moi au standard. Hey! Hey Gérard, reviens. Gérard, s'il te plaît, t'as un débat, t'as des auditeurs. Tu reprends ton casque, tu reprends ton micro et tu parles. Gérard, reviens, on a dit à toi. T'as promis que tu répondais à toutes les questions, donc vas-y, tu réponds à toutes les questions. Désolé, Florent a donné un numéro complètement bidon, 06 08 50, je sais pas quoi. C'est pas ton numéro, alors tu reprends ton micro, tu reprends ton casque et on finit le débat. Quand ils vont poser des questions. On t'entend pas. Mais ils vont poser des questions autres, t'inquiète pas. La question, elle était simple. Est-ce que tu es juste Christine? Mais non, on parle entre nous. Déjà, là, il y a un portable et ça s'entend. Non, c'est un portable qui s'est raconté, ça n'a pas d'entendre. Gérard, est-ce que tu te branles sur les blocages des petites culottes de la redoute? Et ça concerne pas Christine ou Carole, parce que je pense pas qu'elle pose dedans. Françoise. C'est 3 sujets, je crois, non? La réponse. Gérard, ici la Terre. Voilà. Gérard. Alors, vas-y. Gérard, pourquoi est-ce que t'as trompé Fun Radio avec Europe 1? Alors là, je vais te dire une chose. Là, c'est un petit con. Dis-nous une chose, Gérard. Attends, ta gueule, toi. Gérard, pourquoi est-ce que t'as trompé Fun Radio avec Europe 1? Réponds à cette question, Gérard. Alors, je vais te dire une chose. Oui. Dans ces cas-là. Oui. Attends. Oui, ce qu'il a l'air de plus que Max. Votre correspondant va vous reprendre. Merci pour. On continue. Oui. Hein, qu'est-ce que l'air a de plus que Max? Alors, je vais te dire une chose. Oui. Je n'ai jamais été sur Europe 1 celui qui s'amuse à dire ça. Pourquoi est-ce que t'as fait des échanges avec Hubert? Défends-toi, Gérard. C'est passé chez Eugène Sacomano. Vous êtes des menteurs. Et il paraît que tu peux éventuellement. Allez, c'est bon. On va. Je vais terminer là parce que vous commencez à me prendre. Pourquoi est-ce que t'as succédé l'épreuve pour passer dans tout est possible? Non mais attends, déjà, pourquoi est-ce que t'es plus des concombres avec ton anus? Gérard, je peux te poser une question? Vas-y. C'est vrai que tu vas faire un débat sur France Culture? Non. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai vu ça dans Télé 7 jours. Ouais mais attends, dans ces cas-là. Alors attends, Florent, c'est bien parce que à chaque fois que tu dis quelque chose, tu m'as entendu, mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois. À chaque fois, vous croyez que c'est moi, mais ce n'est pas moi. T'es entendu, c'est malheur. Dans ces cas-là, c'est simple, il est 3h20. Il est 3h20. 3h21 et 40 secondes. Il est 3h21, donc arrête de me paraître nerveux, Gérard, bordel. Moi, attends, si ça te plaît tu pas, vas, toi... Max a dit tu vas jusqu'à 3h30. Non. Max a dit tu vas jusqu'à 3h30. Max, il a qu'à venir, moi j'arrive. Il paraît qu'on t'a entendu chez Sam Z. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bah, allez-y. Il paraît qu'il s'est fait enculer chez Sam Z. J'ai entendu chez Maurice sur Skyrock. Voilà, c'est ça, t'as raison, continue. Je signale qu'on en était, le débat que t'avais lancé. Non mais attends, déjà, les mecs ils vont arrêter de dire qu'ils m'entendent sur le micro, s'il te plaît. Déjà, ils vont arrêter de dire qu'ils m'entendent sur n'importe quelle radio parce que c'est faux. C'est ce qu'on nous dit, et nous je te signale qu'on nous appelle dans le bureau pour nous demander ça. Oui, et bien alors dans ces cas-là, ce qu'on te dit, pour moi, c'est des cons. Si on entend une autre personne que moi, ça c'est différent. Non, mais ça, pour moi, les mecs qui disent, ouais, on entend Gérard un peu partout. Gérard, c'est quoi le numéro de ta gueule? Ta gueule. T'es marrant quand tu dis ça. Ah, je suis marrant, t'es espèce de petit con, Et toi, trou du cul. Vous voyez, la semaine prochaine, j'avais prévu de faire un karaoké comme c'était prévu depuis. Non, c'est pas toi qui as prévu le karaoké, c'est Max, après ton débat. Eh ben, justement, il n'y aura rien du tout. Si le karaoké, c'est pas toi qui le fais, Gérard. Eh ben. Dans ce cas-là, il n'y aura même pas de débat. Tu feras le karaoké sur RTL. Bon, et je te signale que c'est pas. Les gens ont le droit de nous appeler, de nous dire oui, on a entendu Gérard, mais je te signale qu'il y a peut-être des gens qui seront passés pour toi. Oui. Tout simplement, ça a été le cas. Nous, on nous a fait écouter des cassettes. Effectivement, on a tiqué, on a dit bon, c'est Gérard. On s'est renseigné, on a vérifié. En fait, c'est pas toi. Mais c'est des gens qui se font passer pour toi. Non, c'est lui. À moins que ça soit toi. Gérard, t'as dit si maintenant. Ouais. Il paraît que t'es passé sur Fun Radio avec Max. Fun Radio. Non, c'était pas toi, c'est un imitateur qui est passé chez Max. Antenne, mettre ta cabine. C'est pas toi qui t'as imité Gérard. Attends, toi t'as dit si maintenant. T'as dit que t'avais des preuves alors. Mais on te les a passées les preuves sur l'antenne, les cassettes, Gérard. Non. Ouais. C'est du baratin de toute manière, toutes les cassettes. Gérard, c'est vrai que tu vas faire de la télé? Non. Ah bon? Il paraît que tu vas faire un truc avec Patrick Sébastien. Non. Et que tu vas faire le journal du Herd avec Philippe Vandel. Il va remplacer Paul Prébois. Non plus. Et avec Jean Lefebvre, c'est vrai? Non plus. Parce qu'il paraît qu'il y aurait une grande histoire d'amour avec Jean Lefebvre. Non plus. C'est un grand acteur, Jean Lefebvre. Tu vas faire du théâtre avec lui, il paraît. Non.

train de chercher si... Pourquoi les nanas nous forcent-elles à se laver? Non. Non. Je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai trouvé le thème. Attention, Gérard, comment Gérard trouve ses sujets de débat? Je vais réfléchir 5 minutes. Non, Gérard. Non, pas 5 minutes, c'est la fin, il y a une énigme, tu dis le sujet là. Maintenant. Vas-y, le sujet maintenant. Alors... Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, Gérard. Pas de blanc, c'est, hein, c'est, blanc. C'est, je suis en train de réfléchir. Putain, mais c'est donc vrai, ça lui arrive. Non, bah la preuve qu'il ne sait pas réfléchir. Non, mais dans ce cas-là, on va mettre une petite musique. Non, avant tout de suite. Non, on va mettre, on va faire une musique, on va passer une musique, et après je vais dire le thème du débat, je vais pouvoir, je vais réfléchir dessus. Non. Je vais réfléchir avant. Ok, bah ça 5 minutes 13 exactement. Eh ben, ok. On va retourner les cassettes de ce débat qui s'est déroulé ce soir et qu'à mon avis. les gens vont s'abonner non même plus pour nous regarder mais pour regarder juste le débat du jeudi dans la nuit parce que on s'est bien amusé. Et n'ayez crainte que vous allez avoir le remix, les passages du meilleur moment du deuxième, hein, pas du premier, parce que je pense qu'à mon avis, demain, tu vas nous les remettre. Le débat de ce soir, là, oui. Ouais. On rediffusera d'ailleurs demain, entre 22h et minuit, le débat, là, ce soir, qui a été le deuxième débat. Voilà. Bon, donc, vous allez retrouver... Arrête avec ta caméra. Bon, ça y est. Arrête maintenant. Et merde! Fais des grimaces! Voilà pour les gens de TPS! Vas-y, refais-le! Gérard fait des grimaces en ce moment, il faut quand même vous le dire. Alors donc, vous allez retrouver. Merde, comment il s'appelle déjà? Morgane. 6h-9h, vous allez retrouver Lorenzo et Ginny. Et 17h-20h, je pense que ça devrait être Eric et Ramsey, après ou la Fun Force avec Miguel. Exact. Hein. 20h-22h, le doc avec Arnold. Ouais. Et 22h minuit, Max. Et le Star System. Et n'oubliez pas les places pour la loco, s'il y en a toujours des. Non, il n'y en a plus, mais bon, sachez qu'il y aura une soirée Transgoa. Voilà, on l'a dit avec Camille Nuit. Il y a le retour de Laurent Garnier qui sera normalement en direct dans nos locaux, voilà, à partir de minuit. Voilà. Et arrête avec ta caméra. Arrête un peu. Je vais quand même annoncer pour les gens de Belgique, si on ne l'a pas encore fait, mais je pense qu'on va le refaire la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas que je serai présent en Belgique le 27. Arrête avec ta caméra, s'il te plaît, quand je parle, là, c'est sérieux. je déconne pas. Je serai le 27 à la soirée à Braine-le-Comte avec... Arrête, là, maintenant. Deux secondes. Donc, je serai avec Max, Julie et Gaël, je pense, à la soirée. Donc, du 27 septembre, qui aura lieu à Braine-le-Comte sous un chapiteau. Donc, sur la grande place. Sur la grande place. Et venez nombreuses, je vous en supplie, si vous voulez écouter des nouveaux poèmes. J'attends pas mal de monde et on va s'écouter Daft Punk. Bonne nuit à tous.